on est là. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter, fada? Les HLM sont trop déterminés. Trop déterminés. Sud, nord, est, ouest, on est là. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter, fada? Les HLM sont trop déterminés. Trop déterminés. En tête à queue, je me gare sur l'instru. En plaque 13, entre deux Lexus. Ne paniquez pas pour votre rap game. Je joue pas avec vous, laisse les clashs pour Eminem. What's my motherfucking name? A-L-O-N, l'enfant du bloc aux poulettes. Je fais rapper la guitare de Kurt Cobain. Faut convertir la haine en amour, HLM. On y gagnera au change, on récolte ce qu'on sème. Mentalité western en plein après-midi. Ça tire en plein carême, faut que ça cesse, écoutons la den. Même si le diable met des survêtes croco qui traînent dans nos bars, faut pas le confondre. Sinon ça fait bang, bang. Bang, bang, bang, bang, faut se calmer. Comment la vie d'un frère peut se lever pour des billets? Prisonnier de court, de long terme. Rappelez-moi c'est quoi la liberté, on a oublié. Sud, nord, est, ouest, on est là. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter, fada? Les HLM sont trop déterminés. Trop déterminés. Sud, nord, est, ouest, on est là. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter, fada? Les HLM sont trop déterminés. C'est pas les travailleurs, mais ceux qui ont peur qu'on vote pour Sarko. Il a diabolisé les quartiers avec ses propos. Il a pas pris le problème à la racine, il parle trop. On est des caricatures historiques, monsieur Sarko. C'est le classico. État contre le peuple, cogno. Ne crois pas que c'est que ton drapeau. Déterminé à se faire entendre, c'est pas des kilos de shit que nos mères enfantent. On n'est pas illégaux dans le berceau. Comprendez? Polo molo, petit rigolo. Tu crois savoir au malade? Y'a des familles à terre sans le moral, sans le courage, sans le mental. Qui squattent des assises à la fou mal. On a l'habitude de la guignol à raille. Le coup de matraque et les cardaves, le placard. C'est pas pour nous laisser aux violeurs. Déterminés à sauver l'honneur. On grandit avec différentes ambiances sonores. On se mélange à l'or, nos différences valent de l'or. Mais y'a mort, voilà. Sud, nord, est, ouest, on est là. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter, fada? Les HLM sont trop déterminés. Trop déterminés. Sud, nord, est, ouest, on est là. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter, fada? Les HLM sont trop déterminés. Dans plus on est des terres, au arrière, en l'air, prends l'euro, coupe à l'eau si le taux de problème t'empêche. On attend plus, on est des terres, au arrière, en l'air, prends l'euro, coupe à l'eau si le taux de problème t'empêche. Des terres. Sud, nord, est, ouest, on est là, on a la baraka, même sortie des favelas. Tu peux nous arrêter, fada, les HLM sont trop déterminés. Les HLM sont trop déterminés.